الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا يقول العلامة ابن كثير المفسر رحمه الله تعالى هذه الآية أصل في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فهكذا الاتباع صدق علامة العبد في حبه عز وجل الاتباع صدق علامة محبة العبد لربه عز وجل قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فمن أحب الله سبحانه وتعالى حقا اتبع رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام الاتباع طريق الهداية طريق الهداية قال الله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون لعلكم تهتدون فمن أراد الهداية والأمان من الغواية والضلالة فعليه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى أمرنا في غير ما آية من كتابه العزيز بالاتباع ونهانا عن الابتداع قال الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه يأمر الله عز وجل بالاتباع ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ينهانا الله عز وجل من الابتداع ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون أي القرآن والسنة حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاتباع إن أتبع إلا ما يوحى إلي وقال الله واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به الاتباع ويقول عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي لما وسعه إلا اتباعي وعلى هذا كان صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا متبعين وبعيدين كل البعد عن الابتداع الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم يكون في كل شيء في العقيدة والعبادة في الأخلاق والمعاملات والنبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة رضي الله عنهم وأمته على ذلك في الصلاة عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي وفي الحج يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم عليه الصلاة والسلام. فهو أسوة للعالمين، فهو أسوة للعالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لاتباعه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى dans de nombreux versets de son livre nous ordonne de suivre le prophète صلى الله عليه وسلم tout comme il nous a interdit d'innover dans sa religion. Et il nous montre que c'est un exemple pour nous dans toutes choses. Lorsqu'il nous dit, sur la traduction des sens de ce verset, « Vous avez un parfait exemple à suivre en la personne du messager d'Allah. » Il nous montre aussi dans son livre que la véracité de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, la véracité qu'on trouve dans le cœur du croyant, se prouve dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui aime Allah de manière véridique, il y a des preuves de cela sur sa personne, il y a des signes qui ressortent de sa personne, et parmi ces signes, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il nous dit, sous la traduction des sens de ce verset, dit, si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Celui qui cherche la voie de la guider et qui cherche à être préservé contre l'égarement se doit de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le suivre. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, où il nous ordonne dans le Coran d'avoir foi en lui, en son messager, et à la fin il nous ordonne de le suivre afin que nous soyons guidés, afin que nous soyons guidés. Allah tabaraka wa ta'ala vous dit également dans le Coran, sur la traduction des sens de ce verset, et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous égareront du droit chemin. Suivez ce chemin, c'est-à-dire le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ne suivez pas les sentiers, c'est-à-dire les nouveautés et les innovations religieuses. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous ordonne de suivre ce qui a été révélé de sa part, c'est-à-dire le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le messager d'Allah lui-même alayhi salatu wa sallam, on lui ordonne dans le Coran de suivre ce qui lui a été révélé. Allah lui ordonne de dire dans le Coran, je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Quant à nous, Allah nous dit ou nous ordonne de prendre ce qu'il nous a donné et de délaisser ce qu'il nous a interdit. Ce que le messager d'Allah vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Abstenez-vous-en. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit même à Omar radiallahu anhu, Wallahi, si Moussa alayhi salam était vivant, il n'aurait pas eu d'autre choix si ce n'est de me suivre. Abdullah ibn Mas'udin radiallahu anhu nous dit un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi nous. Il a tracé un trait qui était droit. Puis, sur le côté, à sa droite et à sa gauche, il a tracé plusieurs traits. Et il a dit concernant le trait droit, voici le chemin d'Allah. Voici le chemin d'Allah. Et concernant les autres traits, il a dit voici les sentiers. Et à la tête de chacun, il y a un diable qui appelle à cet égarement. À la tête de chacun, il y a un diable qui y appelle. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed. Il nous faut donc apprendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de la suivre et nous éloigner des innovations religieuses. Et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être dans toute chose, dans la croyance, dans l'adoration, dans les nobles caractères et le comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit concernant la prière, priez comme vous m'avez vu prier. Il nous dit concernant le pèlerinage, prenez de moi vos rites. Donc on doit apprendre à faire comme lui sallallahu alayhi wa sallam dans toute chose, car c'est l'exemple pour l'ensemble des mondes sallallahu alayhi wa sallam. Le chemin du prophète alayhi salatu wa sallam, sa connaissance et son suivi, et la sécurité contre l'égarement lors de l'apparition des troubles Il nous dit dans le hadith de l'Irbad ibn Sariyah, radiallahu anhu, « وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَقُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَالِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. » Le prophète عليه الصلاة والسلام a averti les compagnons des troubles futurs et leur a dit: celui qui parmi vous vivra verra beaucoup de troubles. Accrochez-vous donc à ma sunna ainsi qu'à la sunna des califes bien guidés et mordez-y à pleines dents et prenez garde aux nouveautés, car toute nouveauté est innovation et toute innovation est égarement. Toute innovation est égarement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur cela, il a laissé les compagnons radiallahu anhum sur son suivi. Sur son suivi, Abdullah ibn Omar nous dit, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis une bague. Alors nous avons tous mis une bague. Puis il l'a enlevée. Alors nous l'avons tous enlevée. C'est ainsi qu'étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte l'imam al-Bukhari. Omar ibn Khattab radiallahu anhum un jour a embrassé la pierre noire sur la Kaaba. Puis il a dit, Inni la a'lamu annaka hajar, la tadurru wa la tanfa. Je sais que tu n'es qu'une pierre. Tu n'as pas le pouvoir de donner le bien ni de faire le mal. Walaula anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Et si je n'avais pas vu le messager sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Apporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu, ce grand savant chez les compagnons, nous dit: Alaykum bis sabil wa sunnah. Alaykum bis sabil wa sunnah. Restez sur le chemin et la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, comme le rapporte l'imam al-Hakim, nous dit: Iqtisadun fi sunnah khayrun min ijtihadin fi bid'ah. Le fait de faire peu, mais en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est meilleur que de faire beaucoup, mais dans l'innovation. Et il nous dit, inna naqtadi, wala nabtadi, wala tabi', wala nabtadi'. Il nous dit, nous suivons et nous n'innovons pas. Nous suivons et nous n'innovons pas. C'est ainsi qu'étaient les compagnons, radiallahu anhum. Et l'imam al-Zuhri, رحمه الله تعالى نجي الاحتصام بالسنة نجا. Le fait de se cramponner à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le salut, c'est ainsi que nous serons sauvés. Et l'imam al-Awza'i رحمه الله تعالى nous dit: نَدُورُ مَعَ السُنَّةِ حَيْثُ دَارَتْ. Nous allons, nous nous dirigeons et nous suivons la sunna d'où qu'elle se dirige. Et Sufyan al-Thawri رحمه الله nous dit: Usluku sabil al-haq, suivez le chemin de la vérité. Wala tastawhishu min qillati ahli, et ne vous sentez pas seul si vous voyez qu'il y a peu de personnes. C'est ainsi qu'étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'étaient ceux qui sont venus après eux, ceux qui ont concrétisé le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Et on prie pour exemple les compagnons dans cela, ceux-là auront l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, car il nous dit dans le Coran: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Allah tabaraka wa ta'ala nous montre que ceux qui vont suivre les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam auront son agrément. Donc l'agrément d'Allah azza wa jal est dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la religion d'Allah est complète et parfaite, comme il nous le dit dans le Coran: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah nous enseigne que cette religion est complète et qu'il a accompli sur nous son bienfait. Donc l'imam Malik rahimahullah ta'ala nous dit: ce qui ne faisait pas partie de la religion hier n'en fera pas partie aujourd'hui. Puis il nous cite ce verset pour nous montrer que la religion d'Allah Azza wa Jal est parfaite. Donc celui qui apporte une innovation religieuse en l'islam, elle sera rejetée. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Celui qui amène une nouveauté religieuse dans nos preuves alors qu'elle n'en fait pas partie. Son action, son ordre, cette chose-là sera rejetée. C'est le hadith de Aïcha rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Et les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, nous ont longuement mis en garde contre ces innovations. Et Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, nous rapporte que lors de la khutbah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait « Wa sharra al-umuri muhdathatuha » et la pire des choses, les pires des choses sont les nouveautés. « Wa kulla bid'atin dhalala » et toute innovation est égarement. Toute innovation. Il n'a pas dit une partie ou certaines, mais il a dit toutes. « Wa kull min al-fadhi al-umur » fil lughati al-arabiyya » et « kull » toutes, ça fait partie des mots qui englobent toutes choses dans la langue arabe. Donc il n'y a pas de bonnes innovations religieuses. Toute innovation est égarement. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Umar nous dit « Kullu bid'atin dhalala » wa in ra'aha an-nas hasana. Abdullah ibn Umar nous dit « Toute innovation est égarement. » Même si certaines personnes peuvent les considérer comme étant bonnes, même si certaines personnes peuvent les considérer comme étant bonnes. Et Abdullah ibn Abbas nous dit « Ittabi' wa la tattabi' » Afwan, ittabi' wa la tattabi' » Abdullah ibn Abbas nous dit « Suis et n'innove pas. » Et il nous dit dans un autre texte, inna abghad al-umuri ila Allah al-bid'ah. La chose qu'Allah déteste le plus, c'est l'innovation. Et malgré tous ces textes très clairs du Coran, de la Sunna et de la parole des compagnons et de ceux qui les ont suivis avec excellence, tu trouves encore à notre époque des gens qui innovent dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'Allah nous les éloigne et nous en préserve. Et parmi les innovations qui sont répandues au sein des musulmans qui sont ignorants, al-ihtifal bil mawlid an-nabawi, le fait de fêter l'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam, cela entre dans l'innovation religieuse qu'Allah déteste, contre lesquelles ont mis en garde le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que ses compagnons et ceux qui les ont suivis avec excellence. C'est une chose que le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais faite. C'est une chose qu'on ne trouve pas dans le Coran, ni dans la Sunna, ni qui a été faite par les compagnons, ni Abu Bakr, ni Omar, ni Othman, ni Ali, ni même un parmi les Sahaba, ni un parmi ceux qui les ont suivis avec excellence. Mais c'est une innovation qui est née des siècles plus tard. Donc délaissez cela et avertissez vos connaissances et informez-les que cela n'a aucune part en islam. C'est une innovation religieuse. والحمد لله رب العالمين والله أعلم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Il y a une personne qui a perdu sa mère, il vous demande de faire dua pour elle. نسأل الله يغفر لها ويرحمها ويغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.